Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1913. Le massacre du printemps. La barbarie contre la civilisation. Hier, dans le nouveau temple du Chic, le théâtre des Champs-Élysées, les ballets russes ont frappé fort avec la première du Sacre du Printemps. Tout ce qu'on a écrit sur la bataille du Sacre du Printemps reste inférieur à la réalité. Ce fut comme si la salle avait été secouée par un tremblement de terre. Elle semblait vaciller dans le tumulte. Des hurlements, des injures, des ululements, des sifflets soutenus qui dominaient la musique, et puis des gifles, voire des coups. Comment peut-on en arriver à se battre pour 35 minutes de danse? En vérité, cette représentation, le tout Paris l'attendait. Le grand disciple de Claude Debussy, Igor Stravinsky pour la musique, et pour la chorégraphie, le danseur star des ballets russes, Vaslav Nijinsky. Bref, c'était la première où il fallait être vu. Plume d'aigrette sur les chapeaux, concours de look, Jean Cocteau et Coco Chanel dans la salle, mais tout a dérapé dès les premières mesures. Tout s'est presque passé comme prévu, car ce scandale a bien été organisé par Diaghilev, l'impresario des ballets russes. Dominique Brun, danseuse et chorégraphe nijinskienne, m'a raconté comment des esthètes glapissants ont été embauchés par Diaghilev pour provoquer la bagarre. Diaghilev, qui est donc, lui, très heureux du scandale de l'après-midi d'un faune qui a eu lieu un an auparavant dans la chorégraphie de Nijinsky et qui, du coup, va mettre en scène une claque, c'est-à-dire des jeunes gens qu'il a payés pour pouvoir éventuellement applaudir ou au contraire siffler, enfin, en tous les cas, encourager le chahut. S'il n'y a pas de chahut, ils sont même là pour éventuellement en faire, pour que, quelque part, cette polémique attire la presse et crée en fait un scandale. En véritable Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, connu pour son sens du marketing, Diaghilev s'est offert un coup de com'. C'est un scandale dans une certaine mesure organisé, sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. C'est que très vite, la foule se manifeste de manière négative, et du coup, ceux qui sont payés par Diaghilev réagissent de manière positive, et ça monte, ça monte, ça monte de plus en plus, et finalement, ça donne lieu à véritablement une espèce d'antagonisme entre ceux qui sont par terre, qui sont des bourgeois, et ceux qui sont venus là parce qu'ils suivent peut-être davantage les ballets russes, ou qu'ils sont, entre guillemets, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer le parterre, qui sont plus populaires, et qui finalement vont de toute façon être contre les bourgeois aussi. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un siècle plus tard, c'est que si Diaghilev savait qu'il choquerait le bourgeois en donnant la chorégraphie du sacre à Nijinsky, sulfureux depuis la présentation de l'après-midi d'un faune un an avant, il n'imaginait pas que cette musique chaotique et cette chorégraphie radicale se transformeraient en lutte des classes. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. La danse de Nijinsky provoque une insurrection, car elle est fondamentalement révolutionnaire. « la modernité lejinskienne, c'est ces corps très primitifs qui s'expriment sur scène dans des gestuelles absolument répétitives, absolument pas innovantes, au sens où elles se répètent et où on a l'impression que tout le monde peut le faire. Parce que, voilà, c'est quoi ? C'est marcher, courir, sauter, à pieds joints, trépigner comme les moineaux qui sont là sur le parvis et qui attendent les miettes. Et puis, on voit des mouvements de foule, des mouvements de course. Il y a 45 personnes sur le plateau. Et par ailleurs, on entend une musique dont on ne comprend rien à ce qu'elle propose. Jacques Rivière écrira en novembre 1913 dans la Nouvelle Revue Française « Sans violence, sans ingratitude, mais très nettement, Stravinsky se dégage du debussisme. Quant à Nijinsky, en brisant le mouvement, en le ramenant vers le geste simple, il fait entrer l'expression dans la danse. Le sacre marque le renoncement à la sauce, c'est une œuvre entière et brute, et les morceaux en sont crus. » Nijinsky imagine quand même que finalement le corps devient, comme le décrit Jacques Rivière, une espèce de vecteur de l'émotion. Et il va inventer une nouvelle manière de bouger. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par des postures. Alors des postures, alors qu'est-ce que c'est ? C'est des manières de se mettre en situation de corps. Alors là, comme ça se passe dans une très ancienne Russie, il imagine des êtres très primitifs. Ce retour aussi à ces esthétiques primitives, c'est aussi finalement le retour dont a soif Nijinsky, c'est-à-dire d'une société qui s'intéresse aussi à ces pauvres, à ces malades, à la folie, à ce qui fait que la vie est dure et qu'elle n'est pas seulement réservée à ceux qui vivent confortablement et qui sont bien à l'abri en fait de toute problématique difficile, de difficulté de la vie. Donc en fait, comme... c'est un scandale politique, le sacre du printemps. Forcément, c'est un scandale politique. C'est un scandale, mais c'est en fait l'art ne fait pas sans la société, et la société ne fait pas sans l'art. En mai 1913, ce qui a divisé les spectateurs de la première du sacre du printemps n'était donc pas seulement d'ordre esthétique. La bagarre dans la salle reflète les tensions de la société. Et la danse politique de Nijinsky met à jour ce qu'on ne peut plus ignorer, la guerre qui approche, et bientôt, la révolution de 1917. Bienvenue au XXe siècle.